Pour prolonger, on a deux questions. Certains d'entre vous ont déjà un peu parlé. Donc je vous invite, ceux et celles qui n'ont pas encore trop discuté sur cela, peut-être prendre la parole directement et aussi en compléter. Notre première question, c'est par rapport à vos dénominations de vos structures en tant qu'agence, collectif. On aimerait bien que vous nous expliquiez pourquoi ce choix-là, pourquoi ce choix de modèle, de mode de fonctionnement. Et aussi, en quoi elle révèle de pas de côté, ou comme toi, Maxence, t'as dit hier, une sorte de rupture dans la pratique normale ou classique. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole directement ? Donc, moi, j'ai fondé une EURL. Je te précise tout de suite. Ça a été un choix mûrement réfléchi, parce que du coup, quand je suis sortie de l'école d'archi, j'ai fait un service civique à côté au village olympique. Et après, j'ai commencé à aller aussi dans les collectifs. J'ai fait un stage de master chez Exist à Saint-Jean-en-Royan avec Delaire et tout ça. Et du coup, j'avais envie de revendiquer comme une pratique professionnelle ce que je voulais être en tant qu'architecte. Et du coup, je voulais être une architecte médiatrice qui mène des démarches de participation sans concevoir, sans être maître d'œuvre. Et donc, j'ai créé une société d'architecture qui ne fait pas de maîtrise d'œuvre. C'est possible. C'était un choix un peu naïf, en fait, de vouloir faire comme une agence d'archi, dans les mêmes statuts juridiques, avec la même convention collective, etc. C'était naïf au début. Après, je suis quand même assez contente parce que ça a permis de développer la structure, puisque ça fait 10 ans et qu'aujourd'hui, on est 8. Donc, c'est quand même chouette de pouvoir monter une équipe. Et je pense que c'est aussi ce statut juridique qui a permis de trouver aussi une économie à la structure. Puisque du coup, nous, on répond... on est dans l'économie de l'appel d'offres du marché public et on répond en co-traitance avec des concepteurs ou en tant qu'AMO concertation pour mener des démarches de participation, de médiation, etc. Voilà pour la question du statut. Ouais, c'est vrai que j'ai principalement raconté ma vie tout à l'heure, donc là j'ai plus parlé de Bellastock, c'est mieux. Donc moi, comme j'ai dit, je suis arrivé là-bas en 2017. La structure, c'est, on va dire, Bellastock, le festival, s'est créé en 2006, donc c'est des étudiants de deuxième année qui comptent un peu comme les mêmes questionnements qu'aujourd'hui, malheureusement, mais qui se disent, on ne touche rien en matière, on doit dessiner des espaces, on ne sait pas... Voilà, donc ils se disent, on va organiser un grand festival, et puis très vite, ça devient quelque chose qui rassemble en Ile-de-France, puis nationalement, puis internationalement, 400 à 1000 participantes. Je vais prendre la note de Robinson, peut-être. C'est pas une mode d'ailleurs, c'est un engagement, donc c'est bien. Jusqu'à 1000 participantes pendant 4 jours à qui on propose, avec une ressource locale, de concevoir un habitat, de le construire et de l'habiter pendant 4 jours, et puis d'y faire la fête évidemment, puisque c'est quelque chose qui vient à côté des études, qui vient en complément en fait au départ, avec déjà cette volonté en fait de peut-être un jour que ça puisse intégrer les écoles. Donc au début, c'est un festival qui est porté par une sorte de BDE, quoi, le Bellasso, qui existe toujours. Et puis en 2010, donc 4 ans après, le festival prend de l'ampleur, donc il y a une autre association qui est créée, qui est dédiée à ça, qui est dédiée au festival. Et dès 2010-2011, en fait, il y a d'autres activités en dehors du festival qui arrivent et qui permettent à une partie des adhérents de l'association de se rémunérer. Le festival, ça a toujours été entre 50 et 100 membres actifs, vraiment très présents sur le festival et sur d'autres actions qui sont de l'ordre de l'installation dans l'espace public, tout ce qu'embrasse les collectifs d'architecture dans les années 2000 un peu. Et très vite, les festivals se spécifient, les thématiques sont définies chaque année, on rajoute un cycle de conférences pour avoir la théorie qui vient s'ajouter à la pratique. Et donc ce festival donne lieu à une expertise, à différentes expertises dans lesquelles de Bellastock se spécialise, notamment donc l'urbanisme transitoire et puis la question du remploi de matériaux. Et donc ça génère tout de suite une économie avec un début d'équipe salariée, donc qui d'un coup crée une première différence entre d'abord un grand collectif de 50 à 100 adhérents qui mettent d'habitude toute une année à préparer le festival qui arrive à l'été. Et donc très vite il y a ce questionnement de moment format associatif où on se questionne sur l'évolution de cette structure pour continuer de porter cette activité. Et ce qui génère au passage pas mal de départs de cofondateurs qui ont d'autres choses à faire ou qui ne sont pas forcément d'accord avec comment ça se développe. Parce que d'un coup, on rentre dans une logique où il faut pouvoir recruter pour répondre à des choses. Et donc, il y a tout un travail de réflexion qui est mené sur quelle forme on va trouver. Donc moi, je suis arrivé en 2017 où cette réflexion était entamée. Donc on se transforme en 2019, donc j'ai complètement participé à cette transformation en coopérative d'intérêt collectif. Donc dans les coopératives, il y a les SCOP, les SIC, après il y a d'autres formats, mais c'est les plus... Et donc la particularité de la SIC, c'est que c'est une coopérative pour laquelle il y a à la fois des sociétaires salariés, mais aussi des sociétaires non salariés. Et l'idée, c'était un peu de retrouver le format du festival. On avait des personnes qui n'étaient pas forcément là toute l'année, mais qui pouvaient participer à la stratégie de la structure, et donc qui est composée de différents collèges avec toute une pondération de voix et à inscrire dans des statuts, donc il y a eu un travail assez lourd en effet. Et donc ça, c'est une transformation qui a eu lieu en 2019. Là, on est en 2023, dans les statuts, donc d'un coup, il y a une direction générale qui arrive. Donc on était 7 ou 6 à peu près, enfin à l'horizontale, en sortant d'une asso, donc ça a retrouvé 7 directeurs généraux sur 10 salariés. Je vous laisse imaginer tout de suite les questions que ça a posé en termes de gouvernance et plus d'organisation, donc direction diluée, donc travail dilué, donc en fait direction non portée. Et on a failli couler en fait, hein, économiquement, on ne voyait pas bien les problèmes. Ce qui a demandé une sorte de réaction assez drastique d'un point de vue restructuration, assez mal vécu forcément par le vécu et l'historique des personnes qui étaient en place, de dire on était associatif, on était très horizontal, d'un coup il faut qu'il y ait moins de monde qui dirige. D'un coup, en fait, il faut se mettre à réfléchir comment on fait de l'argent pour réussir à continuer de se payer, et tout en essayant de respecter nos valeurs, quoi. Et dans cette même période, en fait, c'est surtout le remploi qui va se développer chez nous, et surtout c'est quelque chose qui se structure dans la commande publique, qui arrive à force de plusieurs acteurs qui sont présents sur le sujet. Au début, c'était quand même une commande qui n'existait pas, donc c'était des missions qu'on allait chercher. Et donc là, aujourd'hui, on est dans une logique où on est en train de rédiger une charte pour réussir à aider un arbitrage au cas par cas quand ça pose question de sur quel projet on part. Parce qu'avant, on les prenait tous. Dès qu'il y avait quelqu'un qui était chaud pour faire l'économie circulaire, on y allait. Et bon, petit à petit, maintenant, vu que c'est devenu en partie une obligation pour certains, certaines, forcément, on a des commandes qui ne sont pas top. Donc je prends l'exemple récemment, il y a beaucoup de plateformes de réemploi qui veulent voir le jour, et donc là on nous a proposé de partir sur un appel d'offres, mais pour le plateau de Saclay. Voilà, donc tout un sujet sur l'artificialisation des sols. Il y a eu un débat parce que une église, ouais, en fait c'est un projet qui date de Sarkozy, ça a 15 ans. Aujourd'hui les gens qui sont là, c'est pas les mêmes. Ils essaient de faire mieux, mais bon, au final on n'est pas parti. Parce que là on a voté et puis. Voilà, donc je ne sais pas comment finir cette présentation, mais... Collectif, ouais, j'en ai des lâchés. Ouais, la chute, enfin, il n'y a pas de chute, c'est que tous les questionnements qu'on a aujourd'hui, c'est comment... Enfin, peut-être que je laisserai Max en parler tout à l'heure sur le... C'est peut-être ça, la chute, c'est la manière dont il s'est fait interpeller au pavillon de l'Arsenal cette année, donc d'ailleurs un événement qui rentre dans le cadre du projet ASOC, et qui a questionné beaucoup cette question de l'éthique qui est très centrale dans la création des collectifs. Et voilà, donc, on nous a fait remarquer entre autres que bosser pour des métropoles, on n'est plus en rupture, donc est-ce que vraiment on est toujours atypique, est-ce qu'on est toujours en marge, est-ce qu'on a raison de faire ça. Et en même temps on se dit, si on se met en rupture de tout, on peut aussi arrêter notre activité parce qu'économiquement elle tient plus, quoi. Peut-être juste avant de passer la parole à Maxence, ouais. Du coup, collectif ou agence? T'as pas répondu à la question. Alors, collectif, je me suis renseigné, j'ai appelé des fondateurs pour savoir, mais on n'a juste pas voulu s'appeler collectif parce que concrètement, donc ils étaient très vite dans le réseau Supervise, on dit c'est un truc qui n'a aucune valeur juridique, ou pas mal de structures ont un peu leur approche de ce que c'est. Et eux, ils tenaient à dire on est l'association Bellastock, parce que voilà, c'était une entité, et puis c'était quelque chose qui, pour eux, politiquement, était le format juridique le plus adapté à ce moment-là. Et aujourd'hui, peut-être, autre sujet, c'est que la question qu'on se pose, vu qu'on est essentiellement dans du conseil, de l'accompagnement, avec quand même des phases de conception, construction, mais hors maîtrise d'œuvre, on a décidé de se mettre à la maîtrise d'œuvre progressivement, mais en sachant que l'avantage qu'on a, c'est qu'on ne dépend pas uniquement de cette activité-là, et qu'on peut se permettre de choisir les contextes dans lesquels on veut travailler, c'est pas si évident que ça, pour essayer de, voilà, d'être plutôt sur des projets où on va essayer de mettre en œuvre ce qu'on fait en termes de conseiller. Et ça, c'est en cours de structuration, mais ça prend du temps parce qu'une SIC ne peut pas porter de maîtrise d'œuvre. Voilà. Donc comment on peut vite recommencer une boucle de structuration? Merci. Peut-être qu'on peut passer à la parole de Maxence. Ok. nous, collectif, c'est sûr que ça nous parle vu qu'on s'appelle collectif ETC. Donc c'est directement dans notre nom, donc on doit assumer quoi. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile d'assumer aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Parce qu'en fait, on s'appelle collectif parce que quand on a commencé à regarder ce qui se passait pendant nos études, il y avait Brut du Frigo, Exist, Saprofit, Coloco, en Espagne il y avait Basorama, en Allemagne il y avait Homme Labor, et donc on était fans, on s'intéressait à leur travail, et eux s'appelaient collectif. Donc on s'est dit, ok, nous aussi collectif, pareil, on fait pareil. Mais quand même, il va falloir qu'on se démarque. Donc après avoir rencontré tous ces gens, ce qui nous a permis de nous construire, on s'est dit, nous, collectif, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on s'est monté en asso, donc on a une asso, ça fait 13 ans qu'on est une asso, on est toujours une asso, on a fait plein de DLA, machin, pour changer, on n'a jamais rien changé. Donc pour nous, collectif, il y a 10 ans, parce que c'est plus le cas aujourd'hui, ça voulait dire, je pense, deux choses. Première chose, c'est sur la structuration et la gestion interne, horizontalité parfaite entre les membres, avec une égalité sur la rémunération, une égalité sur les pouvoirs, et une égalité sur les devoirs au sein de la structure. Première chose. Deuxième chose sur le côté collectif, c'est forcément le pied de nez à la maîtrise d'œuvre dite conventionnelle. On veut s'engager, on veut être engagé plus fort politiquement, du coup on va s'appeler collectif et pas architecte, et on va faire des projets avec donc un contexte social au cœur de nos projets. Voilà, 13 ans après, collectif, ça ne veut plus rien dire, on ne sait pas comment s'en débatouiller, on ne va pas s'appeler que ETC parce que c'est trop compliqué pour le site internet. Et du coup, collectif, ça ne veut plus rien dire, c'est ce que je disais hier, c'est une étiquette qui ne veut plus rien dire, on en a pas mal discuté avec Seb et d'autres pendant la SOC, ce que je disais, ça nous a beaucoup marqué, beaucoup touché, les discussions qu'on a eues, parce qu'en fait, nos valeurs et nos engagements, on les partage avec certains collectifs, mais aussi avec certaines agences, avec certains artisans, certaines maîtrises d'ouvrage, et après, d'autres disciplines, et c'est ça qui est hyper intéressant, quoi, des graphistes, des sociologues, des écrivains, écrivaines, enfin... Et c'est ça qui est super, et donc aujourd'hui on a envie vraiment de déconstruire ce terme qui est un peu pourri et de le faire péter en fait, de le faire exploser pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cet écosystème. On nous associe beaucoup à l'écosystème des collectifs d'architectes, mais pour nous maintenant c'est un écosystème beaucoup plus large, comme je disais, avec beaucoup plus de gens, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ces alliances qu'on a envie de montrer, et maintenant notre travail à nous, qu'on a toujours voulu faire, c'est de montrer ça, c'est d'en parler. Et de parler de réseau, de parler de relations, tout ça, ce qui existe très peu en fait au final quand on regarde autour de nous. Et donc c'est l'occasion aussi de ces moments-là pour parler de ça et de voir qu'autour de la table, y a des alliances qui sont sur des valeurs et des engagements et pas sur des étiquettes. Voilà. Merci. Je rebondis directement. Donc je racontais tout à l'heure en intro que Nair Architecture a eu avant un collectif qui s'appelait Glaneur Possible, et c'était de questionner le plus possible les restes, les espaces vacants, les matériaux, etc. Ça s'appelait collectif parce qu'en fait on tenait à la question de liberté de chacun au sein de ce regroupement, et qui était un regroupement temporaire sur chacun des projets, c'était jamais les mêmes personnes qui s'associaient, mais on signait, on va dire, d'un même nom, et en tout cas ça représentait une démarche globale. Et rapidement, ce qui a bloqué en tout cas pour nous, c'était les questions, on va dire, tant qu'on était dans des petites opérations, du bricolage, de l'expérimentation, des choses personnelles ou l'autoconstruction, des expositions, ça fonctionnait. Dès qu'on commençait à toucher un peu plus, je veux dire, la maîtrise d'œuvre, même si ça n'était pas forcément, mais des choses un peu plus liées à l'étude ou de la commande, faire un dossier d'appel d'offres avec 15 candidatures, parce qu'en fait, collectif, ça n'existe pas, ça bloquait. Donc, c'est poser la question du statut qui peut être intéressant, association, etc., etc. Je vous passe tous les détails parce que c'est pas intéressant, mais au final, ce qui était intéressant, c'est que ceux qui avaient la volonté de porter, de continuer ce truc-là, ont formé une SARL d'architecture. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des statuts qui sont possibles et utilisables quand on veut faire la maîtrise d'œuvre, être inscrit à l'ordre. Il faut savoir qu'il y a des statuts qui ne permettent pas d'être inscrit à l'ordre, donc ça, il faut le comprendre. Pour faire la maîtrise d'œuvre, on peut être inscrit à l'ordre sans faire la maîtrise d'œuvre, etc. Bref. Et c'est pour ça qu'elle est née notre agence, dans la volonté aussi de bien faire une agence, mais qui était la nôtre, qui avait ses particularités, et notre approche, et qui générait notre architecture, qui est un peu plus singulière, etc. Donc c'est pareil, on se retrouve dans ces questions de vouloir se démarquer à un moment, tout en essayant de rentrer dans le moule, dans les questions de statut, mais pas forcément dans les démarches. Ouais. Du coup, ça me fait me poser plein de questions, parce qu'on utilise beaucoup le mot collectif, et je ne suis pas sûre d'avoir mis tous ces enjeux-là derrière. En l'occurrence, nous, on est une asso, et je crois que c'est une liberté aussi d'avoir un flou qui réside sur qui est dans cette asso et qu'est-ce qu'elle fait. Et du coup, on est un peu une sorte de questionnement pour les gens avec qui on travaille, et ça a l'intérêt aussi d'avoir, de nous permettre de garder une sorte de flou sur ce qu'on fait et du coup de garder une possibilité d'évolution. Il y a quelque chose là-dedans qui est assez confortable. Qu'on œuvre un peu dans l'idée d'une non-spécialisation de notre métier. Mais aussi parce que, c'est ce qu'on se disait avec Camille, contrairement au métier d'architecte où il y a cette question d'essentialisme, historiquement, etc., le métier de paysagiste et le mot de paysage reste très polysémique et du coup il n'y a pas une définition aussi claire derrière où moi toute ma famille pense que je design des ronds-points. Les gens qui s'intéressent pas trop bien sûr. Hein. Et du coup voilà, il y a là, à la fois c'est des fois très énervant et en même temps c'est hyper bien de qu'on sache pas exactement ce qu'on fait et qu'on puisse. Tu veux compléter Camille ou... Pour moi, quand même dans l'histoire de donc on s'appelle Atelier Bivouac, il y a quand même, je pense, l'appartenance à la grande famille des collectifs parce que il y a un peu plus de 10 ans, quand on était encore étudiant, on s'est retrouvé dans un workshop encadré par ETC et je pense que ça a été ce moment un peu qui a fait partie des moments déclencheurs de la création de l'asso, qui était je me rappelle d'une réflexion de Cédric qui disait mais ça n'existe pas les collectifs de paysagistes, vous devriez en créer un. Et c'est un peu un truc qui est resté d'ailleurs. Après, ETC était pendant un moment président de l'asso. Cette année, on va accueillir pour nos 10 ans les super villes du coup, à Chirol en Ardèche. Tout ça pour dire que collectif pour moi, c'est la question de faire ensemble. De l'horizontalité, enfin, tout ce que tu as raconté Maxence, je pense que c'est des valeurs qui nous portent toujours et à contrario, je pense avec de ce que j'ai entendu là tout à l'heure entre pourquoi pas ETC, c'est que nous, tous les membres fondateurs de l'atelier Bivouac, ils sont toujours aujourd'hui, on a la chance d'être toujours sur les 8, il y en a 6 qui étaient les membres fondateurs et qui sont toujours présents et actifs dans la structure, donc on n'a pas trop subi ce truc de perdre des copains, d'éclatement, on a juste 2 nouvelles personnes qui se trouvent être 2 filles. Et donc on est enfin dans une parité à l'atelier Bivouac, qui était longtemps quand même un collectif avec une majorité masculine. Aujourd'hui on est 6 salariés, sur les 6 il y a 3 filles, 3 garçons. Voilà. Et on a un bureau, un conseil, on est, je pense, il y a des gens qui s'investissent aussi sur du fonds de fonctionnement. Et on fait partie aussi, on a décidé de poser nos bureaux dans un lieu en Ardèche en tout cas on est porteur d'activité dans une coopérative qui est une structuration en collectif d'une auto-réhabilitation d'un moulinage et du coup notre statut associatif il nous permet aussi ça, c'est de s'impliquer sur des actions aussi local, de dynamique, en tout cas de mise en vie de lieux. Merci. rapidement, en fait, pour nous, Marie et moi, je pense que c'est un peu compliqué de parler de la fondation du collectif parce qu'on n'y était pas. Même si je pense qu'il y a des choses qui se recoupent entre voilà, ETC, Bivouac, sur l'envie aussi de faire partie d'un groupe de collectif, enfin, voilà, d'une espèce de guide comme ça. Après, je m'interroge. Moi, j'ai été recrutée par le collectif. Donc, finalement, en fait, si à l'origine du collectif, justement, il y avait un peu cette volonté de conserver un flou, c'est-à-dire que bah, tu peux, n'importe qui peut faire partie du collectif du moment que bah, on est un peu potes, on a un projet en commun, on a envie de faire un truc ensemble et on se retrouve sur une dynamique commune. Aujourd'hui, en tout cas pour nous, c'est complètement différent, c'est-à-dire que ce qu'on appelle collectif, c'est 5 salariés d'une association. On est structuré de manière très... alors, on a cette horizontalité, ces valeurs qu'on porte, mais finalement, dans les faits, on recrute, on fait passer des entretiens, c'est-à-dire qu'on a un besoin de combler... on a un projet qui nécessite une force de travail, bah en fait, on va faire appel à des méthodes un peu classiques quoi, qu'on peut retrouver en agence pour recruter. Alors, on se pose la question du CV, on se pose la question de l'expérience, etc. Donc, finalement, peut-être cette spontanéité qu'il y avait eu un peu au début du collectif, bah aujourd'hui, elle est différente. Et aussi, je te rejoins, c'est qu'elle est là parce que on a besoin de répondre, on s'est mis, nous, dans des situations où on répond à des appels d'offres, voilà, et pour répondre à ces commandes, et bah, on doit annoncer des CV avec une liste d'expérience, etc. Donc finalement, moi, qui ai longtemps travaillé en agence, puis aujourd'hui en collectif, si fondamentalement dans voilà, les valeurs que je partage avec mes collègues aujourd'hui, il y a des choses que je ne retrouvais pas évidemment en agence, je trouve que fondamentalement dans la structuration, il y a quand même on peut pas dire qu'on est radicalement à part, je pense. Enfin, non, mais je pense qu'il faut... Enfin, moi, je bouillonne un peu. Parce que je crois que la question statut, en fait, on voit bien dans tous les témoignages qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, si le collectif, il se réunit au début, parce qu'il y a une bande, enfin, vous l'avez dit tous, une bande de potes. Bon, moi, je n'avais pas beaucoup de potes dans ma promo qui voulaient faire comme moi. Voilà. Du coup, il y a à la fondation une bande de potes, et Karine peut en témoigner aussi, puisque je crois que Silo, c'est aussi une bande de potes qui au début a créé un collectif, puis maintenant est une agence. Je pense qu'il faut complètement dépasser ce truc de l'association et l'agence privée, pour dire les termes de manière factuelle. Enfin, une association qui doit équilibrer son budget à la fin de l'année, elle doit aller chercher des sous. Enfin, moi je réponds à des appels d'offres avec Brut du Frigo, c'est une association, ils répondent à des appels d'offres à nos côtés, et nous, entreprise privée, on a des subventions de la DRAC pour faire des actions pédagogiques, et ça veut pas dire que je suis une chef d'entreprise qui maltraite mes salariés, enfin voilà. Donc non, mais je pense qu'il faut vraiment vous avez des infos, ouais, ouais. Non, mais la question de l'horizontalité, je peux aussi vous en parler au sein de mon entreprise privée, qui est pour le coup horizontale aussi, où on manage aussi la parité. Enfin voilà, je pense qu'il faut complètement, c'est mon avis après, mais dépasser le truc du statut juridique. Il peut y avoir des situations de mal-être au travail dans une association et des situations de bien-être au travail dans une entreprise. Et du coup, je pense surtout, ce qui nous réunit, c'est surtout les manières de faire les projets, les valeurs, et je pense que voilà, c'est indépendant du statut juridique. Et je suis inquiète pour les agences d'architectes qui ont la maîtrise d'œuvre, parce que je connais aussi des agences de maîtrise d'œuvre où on est heureux. Je voulais rassurer les étudiants et les étudiantes, parce que c'est quand même, enfin, moi j'ai pas choisi cette voie-là, mais ça peut être chouette. Enfin, je fais un peu la parole de... J'espère qu'ils vont témoigner, parce qu'ils ont l'air heureux quand même de faire de la maîtrise d'œuvre, et enfin, je sais pas. Oui, ok, je veux bien témoigner là-dessus. Non, mais c'est vrai qu'on a tous un peu la même histoire, à part faire le truc, mais c'est vrai que bon, nous, on est... alors, sur la frise chronologique, je me situe entre Exist et ETC. Donc, 2005, on sort de l'école. 2006, on monte un collectif comme vous, avec une envie de travailler avec ses copains et de faire autrement, et d'aller à la rencontre des habitants. Et puis nous, donc ça a duré 6-7 ans. On s'est posé les mêmes questions que vous, parce qu'on a eu des propositions pour faire la maîtrise d'œuvre, on n'avait pas du tout d'expérience, on n'avait pas de référence. Or, on sait que les marchés publics, ils nous demandent un peu des références. Et puis, on a eu une commande en direct, et très très rapidement, il a fallu qu'on trouve une structuration. Donc, on a monté une SARL, c'était plus simple, c'était moins cher, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire une SCOP, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire mettre des salaires en place, donc on a fait une SARL. On a vu un comptable, on n'a rien compris au début. Puis après, on s'est dit, bon, allez hop, on peut s'inscrire à l'ordre. Et puis, on s'est quand même divisé en deux agences parce que c'était trop compliqué d'être nombreux. Donc, Snack et Silo, eux, ils adoraient les frites et nous, on aimait bien les graines. Donc, on a fait. Et puis, on est parti comme ça. Mais par contre, on s'est dit, on veut continuer de faire les mêmes méthodes, les thématiques, répondre à des choses qui nous ont formés. Et comme on s'est formé en collectif, alors pour nous le collectif c'était simplement le nombre, on se disait on est nombreux, on fait des choses un peu différentes, il y a des graphistes, il y a des cinéastes, il y a des musiciens, donc on est un collectif, bon, on est nombreux. Après quand on était trois collectifs, ça faisait pas trop, ça allait plus, puis on avait marqué sur le papier agence d'architecture, donc on a dit agence, mais et puis c'était un peu rassurant pour déjà qu'on était dans des niches avec des méthodes bizarres. C'était un peu rassurant pour les maîtrises d'ouvrage de dire « Ah, ben en fait, vous êtes une agence, oui, bon voilà, on fait ça. » Mais par contre, on remobilise encore. Donc maintenant, ça fait 10 ans qu'on a arrêté le collectif, qu'on a monté l'agence, et on remobilise tout le temps, toutes les semaines, ce qu'on a fait au départ, et on continue à être un peu dans des niches. Et au départ, on ne comprenait pas trop ce qu'on faisait. C'est vrai que nos familles, c'est pareil, ils ne comprenaient pas... qu'on construise pas forcément des choses qui tenaient. Notre premier projet, c'était une tente en lycra, donc bon, bah, forcément, c'est pas très rassurant. Mais au fil du temps, depuis, on en a fait plein, on est devenu, en fait, on vient nous chercher parce que justement, on fait des choses un petit peu à côté. Donc il y a aussi une commande qui s'est mise à exister. Et au final, nous, nos références, c'est celles du début qu'on met à jour, et puis on en a fait d'autres. Mais disons que pour nous, c'était un peu notre temps de formation supplémentaire, le collectif, puis maintenant, agence héritée de cette histoire-là, avec des grands frères et puis des cousins, quoi. On s'est croisés beaucoup. Sœurs, si, les grandes sœurs, il n'y avait pas trop de filles chez nous.